Audiomatique. Le projet Access to Arasaka lançait la transmission 049 d'Audiomatique avec sa pièce Array 08191, pièce tirée de son album intitulé Void. C'est avec l'humilité de l'anonymat que les électronistes vous accueillent en cette autre transmission d'Audiomatique qui n'est ni plus ni moins que l'incarnation de nos suggestions musicales du moment, qui ont comme point commun d'appartenir au style que l'on qualifie d'électronique. Nous vous dirigeons toujours vers notre profil sur Facebook à facebook.com/audiomatique-cfou, puisque toutes nos anciennes émissions y sont disponibles à l'écoute quand bon vous semble. Mais avant de découvrir le passé d'Audiomatique, nous vous invitons à porter votre attention sur le moment présent et d'entendre, voire mieux écouter, I'm not a band. à Audiomatic. Ce segment 100% allemand se terminait avec le projet HECK, qui s'orthographie H-E-C-Q, et sa composition With Angels, remixée par le duo californien Trifonic, pièce tirée de l'album Avenger. HECK était précédé par le groupe Subheim et la pièce December de l'album No Land Called Home. Et pour débuter, on pouvait entendre I'm Not a Band et la chanson This Is It de leur premier album Electrolin. Allons-y maintenant avec Front 242, formation belge bien connue de qui nous allons écouter la pièce Crushed. Notons que cette pièce, comme plusieurs autres de l'album Evil Off, met à contribution la voix de la chanteuse Kristin Kolowski. Thank you. In the shape of a ghost, as a swarm of flies. C'est fou pour l'écouter. 89.1. For a Space terminait cette séquence musicale de trois pièces avant la pause publicitaire. La composition que nous entendions se nomme Silent Adoration. On la retrouve sur le premier album de For a Space, intitulé Welcome 4000, paru en l'an 2000. Avant, nous entendions le projet Formatadré de l'artiste Andreas Meyer. La pièce Date Unknown paraît sur le premier album de Formatadré, intitulé Navigator. Et cet album a été réalisé en 1996. Et c'était le groupe belge Front242 qui entamait ce bloc grâce à Crushed, une pièce se trouvant sur l'album Evil Off, sorti en 1993. Enchaînons cette fois avec la collaboration entre le Britannique Ian Body et le duo grec Parallel Worlds qui nous interprète Impresario à Audiomatique. On pouvait entendre à Audiomatic le projet Chad Valley, le pseudonyme de l'artiste anglais Hugo Manuel, qui nous présentait la chanson Up and Down de son EP homonyme qu'il a fait connaître et qui est paru en 2010. Et pour amorcer ce court bloc, nous avions droit à la collaboration entre Ian Buddy et le duo Parallel Worlds et leur composition Impresario de leur album Exit Strategy. Nous allons terminer cette transmission 049 d'Audiomatic avec l'une des nombreuses expérimentations sonores du groupe new-yorkais Controlled Bleeding. Ce groupe qui a vu le jour en 1978 s'est permis d'expérimenter plusieurs styles musicaux au fil des années, passant du bruit intense à l'ambient, avec entre cela toute une palette de compositions s'étalant du free jazz à la musique éthérée et néoclassique, en passant par l'industriel, le dub et le krautrock. Aujourd'hui, le seul membre du groupe encore vivant, à savoir Paul Lemos, poursuit l'œuvre de Control Bleeding en tentant de garder l'éclectisme qui a contribué à la renommée de cette formation. D'ailleurs, un nouvel album est sorti récemment et nous aurons la chance de l'entendre dans les prochaines semaines à Audiomatic. Mais d'ici là, nous nous permettrons d'écouter la pièce Under Heaven, composée au milieu des années 80 et qui se retrouve sur l'album Songs from the Drain. Le temps passe toujours trop vite dans l'intervalle délimitant Audiomatic, Mais la bonne nouvelle, c'est que les électronistes vous accueilleront dès mercredi prochain à compter de 17h pour la transmission 050. Et sachez que vous pouvez réentendre l'émission sur les ondes de C'est fou les samedis à 20h. Et évidemment, vous pouvez écouter toutes nos anciennes transmissions en visitant notre profil au facebook.com/audiomatic-CFOU. Voici donc Controlled Bleeding et la pièce Under Heaven. Bonne semaine.